qu'est-ce qu'il y a? Chez moi, rallume un spire, 20h passé, faut que je décampe. Si j'avance pas, c'est que la chance passe. Mais seulement pour mettre des crampes, on crève l'écran à chaque passage. C'est plus du rap, c'est de la bataille. Tape pas, j'enchaîne la prod, c'est comme un coup, je te la partage. On s'accapare le mic pour 2011, y'a plus d'excuses. Si je pose que des sons tristes, c'est qu'à chaque fois, je lâche une excuse. Ça pue les stupes dans ma ville, ça tu l'as dit, moi je les vesquis. T'as vu l'ami, ma rue la nuit, c'est un casse-pipe, y'a même des skins, t'as le même esprit qu'avant. Dans mieux d'un coup, c'est qu'on est deux. T'es mal décor, écrit pourtant, avant de midor, on compte les bleus. Chiale pas quand les coups pleuvent, c'est qu'y a mon son dans l'écouteur. Dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive là, je crois que ta rime prend des coups de sub. Tout seul que je fais ma roue, j'essaye de faire tourner la roue. Non t'inquiète, je perds pas la face, mais à trop me la voile et je vois rouge, je sais pas vers où. Je me dirige pour cette année, encore une belle gamelle. Je rigole plus quand j'en parle, sans que l'année prochaine ce sera peut-être la même. Dans le rap en indé, j'ai pas de label à part le 5. Parano vu qu'ici comme dans le sous-type d'Apo, y'a pas de sympa. Moi le joint j'évacue, pire qu'une alerte incendie. Même si parfois j'encaisse mal, je fais comme si j'avais rien senti. Je veux pas les faire, fait qui tous ces conquis scrutent. Je bosse parce que sur des coups de chat, y'a que des colis anti-puce, envie de plus. Marre de mourir à petit feu là, mais pour la vie de rêve, je risquerais pas de pourrir à rifle. La street, ouais, c'est que des blèmes, bro. Pour plus déraper sous mes semelles, j'ai mis du velcro. Tout par c'est comme au carpo. Tu dis le tu te couches ou tu suis. Si t'attends que la roue tourne, bah non, c'est pas pour tout de suite. Le temps presse et c'est la course poursuite avec nos rêves de monde. Dans du pigeon, je croiserais certains chorites, d'autres en train de faire l'aumône. La life est ainsi faite, bah oui, c'est triste. Je veux trouver le juste milieu comme quand on match. Écoute, je carbure au livre et au face B. Je suis quelqu'un tendu, je mets pas de filtre dans mon café. J'ai fait le poids même si ma carrure n'est pas carrée. Mais s'il te plaît, mets plus de frites dans mon babquet. Ça me fait penser que j'ai oublié de sortir ma pizza du four. Ma rime a du goût, je me contenterai d'un petit plat du coup. À base de beat et d'humour, de feat et de groove, de rythme et de blues. En bref, chaque semaine je me fais 6 plats du jour. En fait, le beat est lourd, c'est qu'est-ce qu'il y a qui l'a produit. Je débarque au sud avec Armorque semi. J'évite les embouteillages, mon feu passe par les nationales. C'est pas trop mal, tel un salaire patronal. J'ai pas trop le time, les fâches regardent ce que je place au mic. Kiffe mon art car je casse à balle de cassonade. Je parle super héros connard, t'as pas d'avocat. Je place la barre super haute, tel un acrobat. Un doigt de frère, hardcore jusqu'à la mort. Tes porcs sont fausses un doigt et qui se leur montent jusqu'à la gorge. Dans ma rue ça pue la merde, les frères se rodka. Déconnecté du monde avec un verre de vodka. J'suis bien qu'avec mes gars quand j'dévalise le beat. J'veux une pétasse à poil et des valises de bif. Attends j'ai pas fini, j'reviens buter les traites. Tu me crois sur Paname entre les buts et les crêtes. Tous les jours c'est la merde, les cons des menaces. J'veux me lécher les doigts en train de compter mes liasses. Dans ma rue c'est la crise, aux portes l'hécatombe. Va niquer ta mère pour que je porte les cartons. On se bute sur un banc, on trouve pas de miracle. Y'a que le cul des billards que l'on trouve admirable. Ouais j'veux du bif, à ne savoir qu'en faire. Si t'as parlé sur moi, je te souhaite d'avoir le cancer. C'est pas logique à ce qui paraît, le bruit de mon stylo gêne. J'apporte un nouveau stylo jeune, rock dans le free de Marie Mobsen. Pris de folie, irrésolu à la vodka au jus de taurine. J'remplace Philippe Risoli et t'sors un skeu de juste prix. Juste te prive de tes droits et sur le beat j'm'ajuste au rythme en moins de deux. J'claque des doigts et j'passe de la lutte au crime. D'extra, t'aimes crade que des couplets qui sortent du trou. Et j'ai quoi te mettre hors de toi si tu souhaites la mort du crew. Un trou de balle à la place, la bouche d'acquis quand tu nous pack. Et c'est pas que ça fait tire play, mais faut de la thune au black. C'est la gouffretisation, faut que je bouffe dans chaque assiette. Mais j'ai trop jacassé, j'ai que ma barrette et ma casquette. Sec, ici c'est 16 et vert de sky, tu sec. Grimaud appuie sur rec et j'envoie le freestyle du siège. J'hésite pas, j'envoie la sauce et la chaleur de mon sop. Pour tous les malheurs qu'on stocke, je rappe à 100 à l'heure non-stop.